Depuis samedi, le parc zoologique de Paris a un nouvel hôte d'un genre assez particulier. Unicellulaire, il est jaune, il bouge très lentement, il digère doucement des champignons dans une pièce obscure et très humide. Il a à la fois les caractéristiques d'une plante, puisqu'il produit des pigments, d'un animal, puisqu'il se déplace, et d'un champignon, puisqu'il produit des spores. Il est pour ainsi dire quasi immortel et fascine les scientifiques, autant les biologistes qui étudient ses capacités d'apprentissage sans réseau neuronal, que les physiciens qui s'intéressent à ses capacités d'auto-synchronisation. C'est l'histoire du blob que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le blob, un ami bozoaire qui vous veut du bien, c'est le programme Inform qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, je vous prie d'excuser mon ton, vous l'aurez entendu, un peu pris. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aller jusqu'au bout de cette heure et ça n'est pas tout complètement gagné, je vous l'assure. Bref, pour comprendre en tout cas la nature et les facultés surprenantes de cet organisme, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse, Audrey Dussutour, bonjour. Bonjour. Vous êtes éthologue chargé de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale et à l'Université de Toulouse 3. Vous êtes également autrice de Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, c'est aux éditions Équateur. Et nous sommes ici avec Marc Durand qui est exposé à Mémias, mais je m'en excuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, enseignant-chercheur à l'Université de Paris dans le laboratoire matière et systèmes complexes. Mais avant de perdre toute forme, ce que j'ai déjà fait depuis quelques minutes, on garde un peu de tenue pour faire le tour de l'actualité scientifique. Scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une découverte décrite dans la revue Geophysical Research Letters, celle d'un nouveau phénomène géophysique, les tremblements de tempête. Les stormquakes, ce sont les séismes générés par des tempêtes. Les chercheurs du Florida State University viennent de mettre en évidence que les ouragans peuvent provoquer dans les océans des ondes sismiques. 12 ans de données océanographiques et sismiques ont été analysées avec une attention toute particulière portée sur le bruit sismique. Le bruit sismique, c'est ce qui est généré par l'interaction des vagues avec les lignes de côte et c'est ce qui génère un bruit ambiant. Ces géophysiciens viennent de mettre à jour plus de 14 000 séismes provoqués au large des côtes américaines, du Canada et du Golfe du Mexique, avec des séismes de 3,5 de magnitude. Les stormquakes ne représentent aucun danger, mais ils sont de nouvelles données pour imaginer la structure de la Terre. Stéphanie Durand est sismologue et chargée de recherche CNRS au laboratoire de géologie de Lyon. Toute la théorie du bruit sismique qui a été développée depuis 20 ans, c'est ça, c'est basé sur les tempêtes qu'il y a dans les océans. Mais vraiment, ce qui est nouveau, c'est que là, on a ce qu'on appelle un signal balistique. Donc la théorie du bruit sismique, c'est que c'est un champ diffus. Et donc finalement, on ne voit plus grand-chose à part du bruit, ce serait vraiment... Enfin, si vous regardez un enregistrement, vous direz il n'y a que du bruit, on ne voit rien. Donc, il faut mettre, faire des corrélations de bruit pour arriver à sortir du signal de ça. Et ça, ça demande beaucoup de traitement du signal qui est assez complexe et le résultat est forcément moins bon qu'un signal sismique. Donc, on se doutait que les tempêtes faisaient des signaux, mais là, ce qu'on arrive à voir, c'est que c'est assez fort pour finalement faire un signal comme un séisme et être exploité facilement. C'est en sismologie de manière générale, hein. Si on a un séisme, soit on l'utilise pour étudier la source sismique, donc par exemple ce qui s'est passé sur la faille quand c'est un séisme habituel, soit on l'utilise pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le trajet de l'onde sismique, donc plutôt pour comprendre l'intérieur ou la structure de la Terre. Donc là, si on a des stormquakes, c'est un peu pareil. Soit on les utilise pour comprendre la source, donc plutôt la dynamique des océans, les vagues, des choses comme ça, ou on les utilise comme on a une onde qui se propage, on l'utilise pour savoir ce qui se passe sur le trajet de l'onde. Et donc, c'est plus de l'imagerie. Et par exemple, là, on va pouvoir imager la croûte terrestre avec ce type d'enregistrement sismique. Et on passe au bref. Selon une étude publiée dans European Respiratory Journal, les personnes en surpoids ont de la graisse dans les poumons. Et des chercheurs australiens ont cherché à comprendre pourquoi l'asthme est souvent associé à l'obésité. Ils ont disséqué une cinquantaine de poumons concernés par ces deux affections et ont analysé les voies respiratoires. On constate que plus l'indice de masse corporelle est élevé, plus les cellules adipeuses se trouvent dans les parois pulmonaires. Jusqu'à présent, on pensait que les personnes en surpoids avaient des difficultés respiratoires à cause d'une pression exercée sur la poitrine. L'étude suggère que l'accumulation de graisse dans ces parois les endommage et peut provoquer des inflammations. Pendant 5 ans, Google va pouvoir accéder aux données des patients du NHS, le National Health Service, en Grande-Bretagne, qui est le système de santé publique. Selon les révélations du New Scientist, il s'agit d'un partenariat entre le NHS et Google Health, dans le cadre de ses recherches pour de nouvelles technologies pour la santé. Les données en question, ce sont les dossiers médicaux de dizaines de milliers de patients, antécédents, diagnostics, dates de traitement et appartenance ethnique. Cette collaboration suscite des craintes quant à la confidentialité, car contrairement aux normes internationales en vigueur pour le partage des dossiers médicaux, ces informations seront copiées en masse par Google. Et enfin, la plus grande centrale solaire flottante a été inaugurée sur le lac de Piolenc, dans le Vaucluse. En France, c'est une première. 46 000 panneaux solaires ont été installés sur ce lac artificiel. Grâce à la réverbération lumineuse à la surface de l'eau, le solaire flottant est plus performant que les installations classiques. La centrale va produire de l'électricité pour près de 5 000 foyers. Il s'agit de la centrale photovoltaïque flottante la plus puissante d'Europe. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences et puis vous pouvez retrouver le lien vers toutes les études qui sont mentionnées pendant ce Journal des Sciences et pendant tous les autres via notre fil Twitter @lamaisonfc où on va poster également, mais vous avez l'habitude maintenant, un certain nombre de liens d'écoute complémentaire, de lecture, d'informations en marge de notre conversation autour du blob puisque c'est notre sujet du jour, la nouvelle star du parc zoologique de Paris. Ça fait quelques mois, on peut dire même quelques années, que ce blob est sorti de l'ombre et fascine journalistes et grand public. Et pour cause, il est constitué d'une seule cellule, il se déplace, il apprend à surmonter les obstacles, il se transmet de l'information entre ses différentes parties, il peut entrer dans un état de sommeil avant de se réveiller entièrement régénéré, et il est capable de trouver le trajet le plus court entre deux points d'entrée et de sortie dans un labyrinthe, le tout sans aucun neurone, sans aucun muscle, ni réseau sanguin. Son nom scientifique, c'est Physarum polycephalum, mais son petit nom lui vient d'un film. S'il avait un esprit, vous pourriez le raisonner. S'il avait un visage, vous pourriez le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, vous pourriez le tuer. Le blob. La terreur n'a pas de forme. Voilà, ça c'est la bande-annonce de la version de 1988. Le film original date de 58, avec d'ailleurs l'un des tout premiers rôles de Steve McQueen. Peut-être un mot, pourquoi, comment est-ce qu'on explique cette popularité aujourd'hui du blob, Audrey Dussutour ? Un petit peu pop. Et clairement, en plus, il va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'on apprend les trois grands règnes à l'école, le règne des champignons, le règne des plantes, le règne des animaux. Et lui, il appartient à un autre règne qui s'appelle les amébozoaires, dont on n'a jamais entendu parler. Ensuite, c'est une cellule qu'on peut observer à l'œil nu. Or, normalement, une cellule, ça fait quelques microns, mais ça fait pas 10 mètres carrés. Ensuite, c'est une cellule qui se déplace, qui est capable de résoudre des problèmes assez complexes. Donc, clairement, ça questionne. C'est devenu quasiment, en fait, toute cette étrangeté, ces bizarreries, le fait que ça ait été nommé après un film d'horreur de série Z des années 50, ça crée un objet pop, en fait, Marc Durand. Oui, bah je pense aussi que c'est le livre quand même d'Audrey qui a évidemment qui a beaucoup contribué à faire connaître cet organisme, parce que je crois que c'est Audrey en fait qui est la première à l'avoir surnommé comme ça. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser de le demander, c'est aux éditions Équateur, absolument. le surnom vient de, c'est vous qui l'avez donné, Audrey Dussutour? Oui, tout à fait, parce que je suis extrêmement cinéphile et je connaissais très bien ce film avec Steve McQueen. Et quand j'ai récupéré le blob la première fois en 2008 en Australie et qu'il a commencé à un petit peu ramper dans mon tiroir, ça m'a fait beaucoup penser à cette présentation, cette fameuse bande-annonce que vous venez de passer avec Steve McQueen. Et quel est votre premier contact? Parce que Audrey Dussutour, on vous a entendu déjà dans la méthode scientifique. En général, vous travaillez sur les fourmis, sur l'intelligence sociale des insectes. Comment est-ce que vous êtes arrivé au blob? par accident. En réalité, je travaillais en Australie à l'époque et je travaillais donc moi sur l'intelligence distribuée, en effet, l'intelligence collective chez les fourmis. Et à l'époque, je me posais des questions de nutrition collective et mon superviseur, lui, se posait des questions de nutrition, mais chez tout le règne animal, quoi. Et de l'insecte à l'homme, il est en train d'écrire un ouvrage et il me dit « Ah, ça serait tellement bien si on pouvait écrire un ouvrage de la cellule à l'homme. » Et j'ai dit, mais il faudrait une cellule qui soit suffisamment grande. Et j'avais déjà entendu parler du blob par les travaux de Toshi Nakagaki. Et c'est comme ça qu'on a récupéré le blob et qu'on a commencé à faire des expériences dessus. Alors justement, ces travaux qui sont ces travaux que j'évoquais sur le labyrinthe, on y reviendra. Hein. Mais en fait, dans la littérature scientifique, ce blob, il apparaît quand? Quand est-ce qu'on le découvre? Quand est-ce qu'on commence à le classer, cet organisme si particulier? Alors en réalité, on va trouver déjà des gravures au XVIIe siècle, mais à l'époque, il n'y avait que deux règnes, les plantes et les animaux. C'est que à la moitié du XIXe siècle qu'on commence à créer un nouveau règne qui s'appelle les champignons, et les blobs ont suivi, ils sont allés avec les champignons. Et il faut attendre dans les années 70 pour qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Anton de Barry qui commence à dire « mais je crois pas que cette chose soit un champignon, j'ai l'impression que c'est un mix entre un champignon et un animal ». Et là, il y a beaucoup de débats. Et c'est que dans les années 90 que finalement le blob va trouver sa place au sein du règne des amébozoaires. Donc finalement, c'est un organisme qui était connu, mal classé. Et après, il a eu beaucoup de succès dans les années 60. On trouve énormément de publications à cette époque-là, puisque c'était une cellule qu'on pouvait observer. Et donc, on pouvait facilement travailler dessus. Marc Durand, comment est-ce que vous êtes arrivé en tant que physicien au blob? Alors moi, je m'intéressais à l'apparition des formes dans le vivant et comment les... La morphogenèse. Loi physique, exactement. Les aspects physiques de la morphogenèse, comment les êtres vivants sont soumis aux lois physiques comme la matière inerte. Et ça a des répercussions sur les formes. Et notamment, je m'intéressais à la forme du réseau vasculaire d'organisme. Et ben, Physarum, c'est sans doute l'organisme le plus simple qui possède un réseau de transport. Parce qu'on n'a pas commencé à en parler de ça, mais en fait. On va y venir. D'accord. Mmh. Avoir un réseau qui se développe et c'est surtout là-dessus que je m'intéresse, en fait. D'accord. On va voir qu'effectivement, cette cellule, c'est une cellule très particulière. Aujourd'hui, Audrey Dussutour, on sait exactement où situer Physarum polycéphalum dans l'arbre phylogénétique? Oui, tout à fait. Il fait partie du règne des amébozoaires et il fait partie d'une classe qui a gardé son nom de l'époque des champignons, qui s'appelle la classe des myxomycètes, champignons gluants, bien qu'il ne soit pas du tout un champignon. Et ensuite, Physarum, il fait partie d'une famille qui s'appelle les Physaridae. Donc les myxomycètes, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 espèces différentes, mais 1000 connues, 10 000 estimées. Toute cette histoire de dire qu'il est à la fois animal, végétal et champignon, c'est-à-dire qu'il appartient aux trois règnes, finalement, c'est un peu dépassé. Enfin, en tout cas, ça ne correspond plus à une réalité phylogénétique. Non, c'est vraiment, ça a été jusque dans les années 90 un grand débat, mais ça l'est plus à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça reste toujours troublant parce que les gens ne connaissent pas le règne des amébozoaires. Donc quand on veut l'expliquer au grand public, c'est extrêmement difficile d'expliquer où il est classé quand on connaît même pas le règne. Qu'est-ce que c'est que ce règne alors, justement, expliquez-nous. Alors le règne des amébozoaires, c'est un règne d'unicellulaire. C'est des cellules qui n'ont pas vraiment de forme et qui se déplacent avec des pseudopodes, donc des pseudobras. Donc elles ont des déformations de la membrane et elles créent ces déformations par des mouvements de cytoplasme, donc le liquide intracellulaire, en poussant en fait contre la membrane. Elles la déforment et ça fait ces espèces de petits bras un petit peu. Marc Durand, comment est-ce qu'on se saisit de cet organisme quand on est physicien? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a compris que vous travaillez sur la vascularisation, oui. Mais votre première rencontre, elle date comment ça se passe? Quand je suis arrivé à mon laboratoire, MSC, il y avait déjà des collègues qui travaillaient dessus. Il y avait en fait déjà une grande activité sur les réseaux vasculaires en général et les écoulements dans les réseaux vasculaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré déjà la première fois Physarum. Donc dès que je suis arrivé en fait en poste ici. Et j'étais tout de suite intéressé parce que c'est un animal assez facile à cultiver. Donc pour un physicien, c'est simple. Animal facile à cultiver, ouais, déjà, animal, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est pas un animal, mais voilà. C'est une bestiole, mais c'est pas mieux. Bestiole. Bon, c'est un blob, c'est facile à faire en sorte que ça se développe. Oui. C'est un taux de développement assez rapide? Oui, si on le nourrit bien, il se développe très vite. On peut le bouturer, donc, très simplement. Donc on peut passer une boîte de pétri à l'autre très facilement. On fait des carottes et on repique sur d'autres boîtes. Donc c'est assez simple. Du fait qu'il n'a pas de forme, en fait, et il cicatrise automatiquement. Dès qu'on le carotte, il cicatrise quasiment instantanément. ça lui fait pas de mal, a priori. Et voilà, donc c'est simple à élever. Ouais. Un dernier mot peut-être sur la phylogénétique et sur la phylogénie, Audrey Dussutour. Aujourd'hui, on pense que c'est une forme de vie très ancienne, mais quel est le degré de certitude et qu'est-ce qu'on sait à ce propos? Alors l'échelle est très large puisqu'on estime en fait les premiers myxomycètes entre 500 millions et 1 milliard d'années, donc ça date. Il faut savoir qu'en fait c'est une branche qui bifurque avant que les champignons, les animaux se séparent. Donc c'est une petite branche qui est partie sur le côté, le règne des amébozoaires. Et donc c'est assez ancien et en plus le taux de mutation chez Physarum est assez faible, donc c'est une espèce qui évolue très très lentement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 dans la méthode scientifique, nous parlons donc de ce blob de Physarum polycéphalum en compagnie d'Audrey Dussutour et de Marc Durand. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur comment tout ça fonctionne, comment est-ce qu'on passe d'un organisme unicellulaire avec juste un noyau, c'est-à-dire de la toute première petite forme, à cette cellule gigantesque, parce que si c'est une seule cellule, il y a en revanche un certain nombre de noyaux, c'est-à-dire qu'on est quand même à la frontière entre l'unicellulaire et le multicellulaire, Audrey Dussutour. Oui, j'aime bien dire qu'il a un peu le cul entre deux chaises. En réalité, le blob, il commence par une spore. Ça démarre par une spore qui se retrouve dans un milieu liquide qui germine. À l'issue de cette germination, on a une toute petite amibe qui est haploïde, c'est-à-dire qu'elle a la moitié des chromosomes et elle est mononucléée, elle a un seul noyau. Et cette amibe, elle va partir à la recherche d'une amibe du sexe opposé. Un type sexuel, on appelle ça chez les blobs. Alors, elle a beaucoup de chance. Parce qu'il y en a nombreux, on peut le dire tout de suite. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types sexuels. Voilà. Il y en a plus de 700. Donc, elle a l'embarras du choix, disons. Et là, il va y avoir la fusion entre deux amibes, ce qu'on appelle une syngamie. Et donc, on va passer à un organisme diploïde, avec donc des paires de chromosomes. Comme l'être humain. Exactement. Jusque-là, tout va bien. Oui, et c'est là qu'il y a une chose qui se passe pas complètement. En fait, on a une mitose, c'est-à-dire une division cellulaire, mais sans cytodiérèse, c'est-à-dire que la membrane ne suit pas. Et donc, on va se retrouver avec une cellule avec deux noyaux. Et puis ensuite, toutes les 8 heures, tous ces noyaux vont se diviser de manière synchrone. Donc, on va passer de 2 à 4 à 8, etc. Et très, très vite, on va avoir une cellule géante qui peut contenir des fois plusieurs millions de noyaux. Est-ce que c'est le seul organisme à avoir ce type de division cellulaire où il y a effectivement mitose, donc division et multiplication du patrimoine génétique, mais sans division cellulaire? En fait, c'est ce qu'on appelle des syncytiomes. Il y en a d'autres, mais à ce degré-là, non. Mais par exemple, il faut savoir que nos cellules musculaires sont des syncytiomes. Elles sont aussi polynucléées. Mais dans le réel animal, a priori, le blob est relativement unique. Ah, il est complètement unique de par sa taille. Dans le réel animal, j'ai dit animal. Vous voyez, je me fais avoir. C'est moi pas aussi. Très grave. Ouais. c'est parce qu'on a tendance à le traiter comme animal. Bien sûr. Il est attachant. Donc oui, c'est sa taille en fait qui est assez. Et Marc peut en parler. C'est ce réseau vasculaire qui est clairement unique parce qu'on a vraiment un réseau assez complexe qui change de forme en permanence, qui s'adapte aux contraintes de l'environnement. Et pour une seule cellule, c'est assez exceptionnel. On va revenir dans un instant sur le réseau vasculaire. Déjà, on va aller le voir, parce que puisqu'il est au parc zoologique de la ville de Paris, on va aller y jeter un œil avec nos oreilles, comme tous les jours. Mais peut-être un mot d'abord, Marc Durand, pour expliquer qu'il y a deux, ça va aider à comprendre le reportage, qu'il y a deux stades, qu'il y a deux phases, une phase plasmodium, c'est-à-dire animée, vivante, et une autre phase où finalement, et on va voir que c'est très intéressant, le blob se replie, se dessèche, et c'est ce qu'on appelle le sclérote. Oui, en fait c'est deux phases parmi plusieurs phases, ce que commençait à vous dire Audrey, si on continue le cycle de vie. Donc l'état plasmode, c'est celui où toutes ces cellules ont fusionné pour faire cet organisme unicellulaire géant, mais multinucléé. Et pour être à l'aise dans cet état-là, il faut qu'il soit dans les bonnes conditions d'humidité, de nourriture et d'ensoleillement. Il n'aime pas la lumière du voilà, tout. Voilà, il préfère la pénombre et être en milieu humide. Nous, on le fait pousser sur des gels à queue, donc qui contiennent 90% d'eau au moins. Voilà, et si on le met sur un substrat sec, en absence de nourriture et en absence de lumière, il va aller dans cet état dormant, où il se dessèche complètement, et c'est l'état qu'on appelle sclérote, et il peut rester plusieurs mois, voire plusieurs années dans cet état-là. Voilà. Et après, on peut le refaire revivre en le remettant sur un substrat humide. Donc c'est pratique pour se les échanger entre chercheurs, par exemple, c'est un état sympathique pour ça. C'est le blob, l'ami des chercheurs. Ouais. Un mot peut-être aussi, Audrey Dussutour, le blob, ça a l'air évidemment, et on en parle très exotique comme ça, mais en fait on en trouve dans nos forêts, c'est relativement courant, y compris à nos latitudes. Ah oui, les myxomycètes, la plus grande biodiversité de myxomycètes, elle est dans milieu tempéré, en climat tempéré, donc réellement en France on en a plein. Alors celui qu'on va trouver le plus souvent, c'est Fuligo septica, qui est le cousin de Physarum polycephalum. Et Fuligo septica, il est assez caractéristique, on dirait une grosse éponge, et il est surnommé en anglais dog vomit, vomit chien, et en espagnol caca de luna, donc on voit tout à fait un peu la tête qu'il peut avoir. Et celui-ci, on le trouve vraiment partout, dans les jardins, et surtout si les gens font de la permaculture par exemple. Et on va vous mettre une petite image de ce vomi de chien pour que vous puissiez vous le représenter. Mais nous, eh bien, on va aller rendre visite à Physarum polycephalum. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez eu la chance d'aller voir en avant-première la nouvelle star du parc zoologique de Paris. Alors celui que j'ai vu est assez jeune, il est jaune, installé dans un petit terrarium qui reproduit son écosystème optimal de la terre, du munch, des écorces et des branches. J'ai rencontré Rudy Guillaume, jardinier qui assure le suivi du blob dans le laboratoire associé au zoo. Il m'a expliqué en quoi consiste le travail autour du blob. Nourrissage, suivi du développement, étude des propriétés motrices et reproductrices, autant de connaissances empiriques qui éclairent aussi les biologistes. Donc là, nous sommes dans la pièce qu'on a appelée la déblobisation. Et c'est une première pièce, du coup, on va s'occuper du blob. Et donc ici, donc, du coup, on va l'élever dans des boîtes de pétri. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez des boîtes de pétri, donc avec leur petit couvercle. Au fond, vous avez du papier filtre humidifié. Donc sur ce papier filtre, on va tout simplement déposer des flocons d'avoine sec et on va poser un bout de sclérote ou un bout de plasmodium frais. Alors le sclérote, c'est la version endormie. C'est la version, globe, exactement. Et le plasmodium. C'est la version, on va dire, plus dynamique. Beaucoup plus dynamique, voilà. Donc le plasmodium, c'est vraiment la partie, on va dire, comme vous dites, bien dynamique. On en prélève un tout petit échantillon, un petit prélèvement. On le pose au milieu de la boîte de pétri et là, ben, il va se développer gentiment et couvrir la totalité de la boîte de pétri. Au bout d'un moment, il va finir par en sortir. Et donc, ce bout qui finit par sortir, du moins cette masse qui finit par sortir, on la récupère pour la mettre en présentation, donc du coup, dans notre aquarium. Là, on est devant une même espèce qui est divisée dans plusieurs boîtes de pétri. Exactement. C'est exactement le même plasmob. On est parti, en fin de compte, d'un sclérote qu'on a mis en réveil. Et une fois qu'il s'est développé dans une boîte de pétri, on a tout simplement découpé ce bout de feuille papier filtre qu'on a remis dans d'autres boîtes de pétri. Mais vous avez exactement le même sujet, qui va finir par se reconnecter à lui-même. Il va essayer de se combiner. Je ne dirais pas qu'il va forcément chercher à se recombiner automatiquement, mais quand il va retomber, on va dire, sur lui-même, la connexion se refera automatiquement. On voit à quel point le blob, là, il se forme un peu granulaire, il n'est pas... Alors là, comme vous dites, ce que vous qualifiez de granulé, en fait, ce sont vraiment les flocons d'avoine. Et là, toute la partie jaune, les flocons d'avoine sont plutôt blancs. C'est leur principale source de nourriture ici, en tout cas. En tout cas, en culture. En voilà. Élevage. Oui, en élevage. Et là encore, élevage, on va le mettre entre guillemets. Voilà. Mais donc, les flocons d'avoine à l'origine sont blancs, on va dire quasiment blancs immaculés. Et là, vous voyez, ils sont quasiment jaunes. Donc, du coup, le blob a recouvert la totalité de la boîte de pétri et donc, du coup, la totalité des flocons d'avoine. Alors, en quoi consiste votre travail au quotidien ici avec ces blobs? Est-ce que vous les suivez tous les jours, leur croissance? Exactement. Donc, ça, c'est un travail du quotidien et on y passe à peu près, on peut presque dire une heure et demie par jour, voire un peu plus par moment. Et donc, du coup, c'est réhumidifier le papier, c'est découper les papiers fils pour les transformer, donc, du coup, en sclérote, nettoyer les boîtes de pétri, les faire passer dans la seconde pièce, en fin de compte, pour que le blob puisse se développer à nouveau sur de l'écorce et sur du mulch. Tout ça pour qu'il puisse repasser, donc, du coup, après en présentation. L'objectif un peu de vos travaux d'expérimentation, c'est de ensuite les mettre dans des conditions réelles en extérieur. Exactement. Donc, on a recréé un petit écosystème, voilà, donc, du coup, en pièce d'élevage. Et donc là, on y maintient une humidité constante, entre 70 et 100%. Très peu de lumière et là du coup régulièrement on vient apporter du coup des champignons pour que le blob puisse se déplacer et toujours trouver de la nourriture. Alors vous soignez également les blobs mais pourtant ils sont réputés pour avoir des propriétés extraordinaires qui font qu'ils survivent à beaucoup de choses. Après, ce qu'on appelle soigner au quotidien un blob? Alors soigner, ce serait beaucoup dire. Je lui donne juste ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer, pour vraiment voir la phase d'évolution. Mais le blob, disons, c'est lui-même se régénérer quand il faut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va cesser de le mettre dans son environnement, du moins de lui donner les conditions nécessaires à son développement, il va tout simplement se rétracter sur lui-même et donc du coup dessécher. Voilà. Se mettre en veille en quelque sorte en attendant de meilleures conditions. C'est exactement ça. Et une fois qu'on va tout simplement le remettre dans un milieu adapté, donc humide, plus ou moins lumineux, il va se développer gentiment. Est-ce que vous travaillez avec des biologistes, un travail de collaboration avec les biologistes? Alors le travail se fait, oui, donc du coup avec le Camoreno, qui nous donne aussi certaines consignes, et on lui donne aussi donc du coup un retour de notre part sur l'évolution du blob, sur ce qu'on a pu constater, puisque de temps en temps on fait aussi nos petits essais, et donc du coup en cumulant ces données plus les nôtres, on arrive au résultat que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà, là nous dirigeons donc du coup vers la pièce de présentation. Et donc là, j'ai la plupart du temps, donc du coup, j'aurai une souche dans ma main avec un beau plasmodium, donc du coup, sur l'écorce que je vais mettre en présentation. Ça ressemble vraiment à un terrarium. Exactement. En fait, un vivarium. C'est, voilà, on va dire terrarium, vivarium, plutôt même un aquarium. En fait, quand ici, on aurait plus à faire un aquarium dans lequel, donc du coup, on a vraiment essayé de recréer le milieu qu'on pourrait éventuellement avoir dans une forêt. Donc, vous voyez, une belle litière composée, donc, du coup, de mulch et de feuilles. Des broyures de rameaux ramifiés. C'est vraiment du bois qui a été concassé, en quelque sorte. Qui forme un tapis humide. Et qui va former un tapis humide. Et donc, du coup, quelques écorces. Et si vous voyez des petits filaments jaunes. Et par moments, ces filaments font vraiment un beau plasmob. Donc, du coup, une belle tache bien jaune. C'est notre blob. Toutes ces nervures là, un peu éparses. C'est bien lui. Ça appartient au même individu qui est étalé sur toutes les écorces. Exactement. Voilà. Et là, donc, du coup, il se développe gentiment. Il a bien progressé déjà depuis ce matin. On peut voir déjà les différences, oui. Alors ici, on peut voir un peu de mucus. Alors là, en fait, compte, c'est tout simplement. Il y a des zones où il est sec et des zones où il est plus humide. Alors là, c'est pas forcément une zone où il est sèche. En fait, compte, c'est une zone. C'est vrai que ça paraît beaucoup plus gélatineux, mais en fait, compte, c'est tout simplement un champignon qu'il a complètement dissous. Voilà. Donc oui, c'est un peu ragoûtant comme ça, mais voilà, ça c'est vraiment la phase où il a mangé son champignon. Et là, du coup, il va partir ailleurs. Tout simplement. Voilà cette visite presque en avant-première, puisque vous pouvez aller voir ce blob depuis samedi dernier au parc zoologique de Paris. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Marc Durand. C'est très similaire à la façon dont je l'élève. Ouais, ils ont bien appris à le cultiver. Vous aussi, vous avez des champignons, vous avez reconstitué un milieu. Nous, on essaye d'éviter les contaminations. Le plus principal souci qu'on a, en fait, quand on le fait cultiver dans nos boîtes de pétri, c'est les contaminations. Parce que comme on le fait sur un substrat très nutritif, avec de l'eau et de l'humidité et de la chaleur, et ben c'est les conditions optimales pour que tout pousse dessus, en fait. Et vous le nourrissez avec quoi? Vraiment, c'est juste le substrat, il n'y a pas besoin de donner de flocons d'avoine. Alors ça dépend. Quand on le fait la culture comme ils font là, on met avec les flocons d'avoine parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique et plus simple. Ouais. Il faut dire que c'est sa nourriture préférée. Disons que ça marche bien, quoi. Ça marche bien, donc ouais. Tout le monde reprend cette recette là. Mais dans la nature, il mange pas des flocons d'avoine. Il vit sur les souches et il mange plutôt la matière organique en décomposition. D'accord. Mais c'est plus simple et plus propre de juste déposer les flocons d'avoine. Et sinon, quand on fait les expériences, soit on retire complètement les sources de nourriture, pour pas que ça fasse des biais, en fait, dans les expériences, soit on met de la nourriture dans le substrat de façon uniforme. De la même façon, pour pas que ça crée des biais, en fait, sur le développement de l'organisme. Audrey Dussoutour, une réaction à ce que vous venez d'entendre au reportage? Sur le parc zoologique, ben oui, moi je suis responsable un peu de l'arrivée du zoo, puisque c'est moi qui l'ai amené là-bas. Et donc j'ai dû échanger en fait avec les soigneurs pour leur expliquer comment mettre en place. Mais ils ont fait un travail assez extraordinaire, puisque moi j'y étais samedi pour donner une conférence au zoo. Et vraiment, la blob zone, elle est exceptionnelle. Il y a plein d'animations parce que ça peut avoir un effet déceptif, le blob, parce qu'il avance très, très lentement. Mais il y a plein de vidéos. Et puis, en plus, il y a des petits fanions qui indiquent où il était à chaque heure. Donc ça, c'est assez malin. Et donc, on peut voir qu'il a parcouru 20 cm dans la journée. Et vraiment, on apprend tout. C'est vraiment excellent. On peut faire le tour du parc et revenir à la fin de la visite pour voir qu'il a avancé ça avance de quoi? 1 à 4 cm par heure à peu près, c'est ça? Alors, 4 cm à l'heure, c'est quand vraiment il est extrêmement motivé, qu'on ne lui a pas donné à manger depuis quelques jours. En réalité, c'est plutôt du demi-centimètre, du centimètre à l'heure. Mais là, je leur en ai donné un qui est dynamique. Ah, parce que, alors ça va être intéressant. Ils n'ont pas tous le même tonus. Non, pas tout à fait. Alors, on a des blobs qui viennent de différents endroits et on voit qu'ils ont leur petit caractère. Et donc là, ils ont un blob qui est le plus rapide de nos blobs, pour que justement le public puisse apprécier de voir le blob presque bouger. Et on va voir comment est-ce qu'on peut attribuer des caractères à un organisme qui n'a pas de réseau neuronal, alors qu'on a déjà du mal à parler d'intelligence pour l'intelligence sociale des insectes. Audrey Dussutour, vous cassez tous les cadres, je ne sais plus où on est dans le blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch. Beware of the blob, des five blobs, puisque c'est l'émission du jour, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Nous parlons donc de Physarum polycéphalum en compagnie d'Audrey Dussautour, qui est éthologue et chargée de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université de Toulouse 3, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie, et Marc Durand, qui est ici avec moi, physicien, enseignant, chercheur à l'Université de Paris, dans le laboratoire matière et systèmes complexes. Une question d'auditeur qui a peut-être un peu faim, ou c'est l'heure du goûter, je ne sais pas, qui se demande, Audrey Dussutour, si on peut manger le blob. Je le conseille pas. Est-ce qu'on se transforme en blob, en fait? C'est ça la question, c'est d'un seul coup le début du film d'horreur qui ressurgit, vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que si le blob rentre en nous, mais non, le blob, c'est pas un parasite, et puis surtout, il survivrait pas au pH acide de l'estomac. Non, sérieusement, le blob, je ne le conseille pas de le manger, parce qu'on ne sait pas exactement toutes les substances qu'il sécrète. Puis on m'a dit en plus que c'était pas bon, parce qu'il y a toujours des gens qui essayent. Mais il faut savoir que Fuligo Septica, son petit cousin, il est mangé en effet en Amérique du Sud. Certaines communautés le mangent. Vous dites qu'on ne connaît pas toutes les substances qu'il sécrète, parce que on a vu justement qu'il pouvait réagir à des prédateurs, qu'il pouvait dégoûter ou faire se retourner des prédateurs qui essayaient de le dévorer. Tout à fait. Pendant le tournage du documentaire sur le blob, produit par Arte, on s'est aperçu qu'il y avait, en ramenant un petit peu des écorces de la nature, on a aussi ramené des limaces, le prédateur du blob. Et quand la limace commence à manger le blob, elle se paralyse complètement. Et clairement, le blob a le temps de s'échapper après. Elle a carrément le temps de s'échapper, donc elle est paralysée un petit bout de temps. Voilà. Alors on va parler justement de cette progression, Marc Durand. Donc vous travaillez, on l'a compris, sur cette vascularisation du blob. Comment est-ce que le blob avance? Alors il y a des petits pseudopodes, mais on a vu sur les images, et je vous renvoie sur notre fil Twitter @laméthodefc, où on voit de très très belles images que Céline a prises justement au parc zoologique de Paris. On voit cette structure qui ressemble un peu, on va dire, en réseau à des brocolis en deux dimensions. Ouais. Je ne sais pas ce que vaut cette image, mais enfin, c'est la seule que je viens de trouver. On dit des mangroves aussi, ça ressemble un peu à des mangroves. C'est un peu une mangrove, oui. Ouais. Et donc, comment ça se passe pour que ce système vasculaire-là se mette en place? Alors, déjà, pourquoi il le met en place? On pourrait peut-être se demander pourquoi. C'est parce que, donc, comme ces cellules deviennent très grandes, beaucoup plus grandes qu'une cellule normale, et ben pour cellule. Voilà, c'est des milliers de cellules qui ont fusionné, donc ça fait un organisme qui peut faire plusieurs centimètres de distance. Et les courants qui habituellement permettent de transporter les différentes molécules ou nutriments dans une cellule normale, c'est des courants diffusifs, ce qu'on dit. C'est-à-dire il y a des différences de concentration. Donc, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Au début, il est très concentré à un endroit, et puis petit à petit, il va diffuser dans tout le lait chaud. Mais ça, c'est pas très efficace sur des grandes échelles. Donc, la stratégie qu'utilise cet organisme, c'est qu'il développe un réseau vasculaire de tubes et dans lesquels il y a des écoulements qui sont générés. Donc, ils sont générés par la contraction de la membrane qui entoure les veines. Tout ça avec quoi en fait? Sans muscle, mais on retrouve quand même les mêmes molécules qui composent nos muscles. Donc il y a de l'actine et de la myosine qui sont les principales composants en fait des muscles. Et ça lui permet de, en tirant sur ces longues molécules en forme de chaîne en fait, en tirant les unes sur les autres, ça va compresser cette membrane autour ça va les écraser et ça va chasser le liquide. Donc ça fait des mouvements qu'on appelle péristaltiques et qui sont les mêmes que vous avez dans les intestins par exemple. C'est une onde de compression qui va faire avancer le liquide qui est dans le tube en fait. Il faut bien garder à l'esprit qu'on est de l'intérieur dans un milieu cellulaire classique, alors que évidemment comme on pense macroscopique, on imagine que ce sont d'autres cellules. Non, justement, ce ne sont pas d'autres cellules qui créent. C'est bien ça tout l'intérêt. C'est ça, oui. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier en particulier dans Physarum, puisque c'est extrêmement simple. La biologie est extrêmement simple parce que c'est une seule cellule. Il n'y a pas de cellules qui font les parois des tubes. Les tubes, en fait, il faut voir ça comme la phase liquide. À l'intérieur du tube, on a une matière qui est en phase liquide et à l'extérieur du tube la même matière qui est en phase gélifiée. Et l'organisme est capable de modifier la transition d'un état gel à un état liquide de cette matière cellulaire. Il se fait ça justement en jouant sur les attaches entre les différents filaments qui sont à l'intérieur de la cellule et qui lui donnent sa rigidité. Audrey Dussutour, sur ce mécanisme de circulation et de vascularisation, pareil, est-ce que on voit ça à l'échelle cellulaire sur d'autres types d'organismes, sur d'autres amibozoaires ou sur d'autres êtres? Non, parce que les amibozoaires habituellement ils sont beaucoup plus petits et donc on va avoir des mouvements de cytoplasme mais pas organisés sous une forme vasculaire. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde Physarum, c'est que vous avez le flux qui change de direction toutes les 2 minutes, ce qui est assez troublant et on peut le voir très facilement à la binoculaire. Et on voit que ça va dans un sens et puis dans un autre, et puis dans un sens et puis dans un autre. Et en fait, le blob, il avance comme les marées. Il pousse contre sa membrane avec ce liquide, puis il rétracte le liquide et puis il pousse à nouveau. Donc c'est sa façon d'avancer. Et comment se nourrit-il alors ? Alors, il se nourrit par phagocytose, c'est-à-dire qu'il engouffre sa nourriture dans sa membrane. Donc, en fait, par exemple, pour un flocon d'avoine, il peut entourer. Il va manger surtout, d'ailleurs, le microbiote qu'il y a sur les flocons d'avoine, les bactéries. Lui, c'est ce dont il raffole, c'est les bactéries. Donc, pour manger une bactérie, c'est tout simple. Il l'englobe dans sa membrane et il l'intègre à l'intérieur de sa cellule dans une vacuole. Et là, il va sécréter dans ses vacuoles des enzymes qui vont permettre de digérer la bactérie. Et ensuite, il rejette le reste par exocytose. En fait, il ouvre sa membrane vers l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc cette mangrove ou cette surface de brocoli à plat, mais il y a aussi à un moment donné vraiment du tissu, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ça recouvre, qu'il y a une sorte de tissu jaune qui recouvre les éléments, qui recouvre la surface sur laquelle le blob avance, Marc Durand. C'est vraiment la matière, c'est la cellule en fait, hein, alors qu'il y a un pigment jaune assez caractéristique, mais c'est... Alors oui, dans l'organisme, il y a la phase gélifiée, je vous disais, de la cellule, c'est ça que vous voyez. Et puis c'est recouvert d'un mucus, sa surface, qu'il dépose là où il passe, quoi. Mais voilà, c'est... Comment est-ce que cet organisme, encore une fois unicellulaire, rappelons-le, hein, parce que c'est vraiment ça qui fait cette particularité, reconnaît la nourriture, ou en tout cas va, il peut sentir la nourriture même à distance. Oui, alors il y a des récepteurs, bon ça c'est peut-être Audrey qui connaît mieux que moi, mais il a des récepteurs qui lui permettent de détecter les différents signaux chimiques, voilà, et il sent les gradients généralement de ces signaux, donc il est attiré par la nourriture, par les gradients de ces molécules. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire, Audrey Dussutour, en fait, qu'il s'étend un peu partout de manière aléatoire, et puis d'un seul coup, bah, quand il rencontre de la nourriture, d'un seul coup, il se concentre vers un endroit, c'est ça qui pourrait un peu déterminer. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Il a une croissance, en fait, isotropique où il croît un peu dans toutes les directions, et dès qu'il détecte une molécule d'intérêt, donc ça peut être soit une molécule attractive ou répulsive, ça va diriger son mouvement. Donc soit il va s'éloigner, soit il va aller vers. Donc on sait que le blob, il est capable de détecter une grande diversité de molécules, les molécules sucrées, les molécules salées, les molécules amères. Il est aussi capable de détecter des degrés d'humidité. Il peut aussi détecter la lumière puisqu'il a des photorécepteurs. Donc c'est vraiment une cellule qui perçoit son environnement, qui s'y adapte, qui réagit en temps réel. Comment est-ce qu'on arrive à cette notion, et ça c'est assez fascinant, je vais me retourner vers vous Marc Durand, à cette notion d'optimisation d'un réseau de transport, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être d'où ça vient, et cette vidéo de ce chercheur japonais que citait Audrey Dussutour tout à l'heure, où on voit le blob dans un labyrinthe? Oui. Alors oui, il en a fait deux. Il a fait le labyrinthe et il est connu pour aussi une autre vidéo où il reproduit le réseau ferré de Tokyo. Voilà. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une optimisation du réseau. Alors, ce qui se passe, c'est effectivement, l'organisme va, quand il va se développer, il va sentir des sources de nourriture. Il va toutes les relier les unes aux autres par son réseau. Et au bout d'un moment, il va y avoir une sorte d'optimisation, c'est-à-dire que finalement, les chemins qui lui servent à rien, il va les élaguer, il va reprendre la matière pour construire du réseau ailleurs, par exemple. Donc il y a une optimisation où on voit que le réseau se simplifie, et au final, elle relie presque que les sources de nourriture entre elles. Donc un réseau le plus simple possible. Et ça c'est fascinant parce qu'il faut savoir, et on en parlait il n'y a pas très longtemps la semaine dernière à propos de l'ordinateur quantique, l'optimisation d'un réseau, ce sont des problèmes qui en physique deviennent très vite très compliqués. Oui, des problèmes physiques et mathématiques extrêmement complexes, qu'on sait difficilement résoudre avec un ordinateur. Il suffit de, quand vous rajoutez, alors déjà, optimisation. C'est ce qu'on appelle le problème du postier. Le problème du postier, exactement. Quand vous rajoutez un point dans la destination que doit faire, dans le chemin que doit faire le postier, ça peut changer toute la structure du réseau. C'est ça. Le problème du postier, c'est de dire, on prend un postier, il doit délivrer le courrier à temps de maison. Quel est le réseau le plus court pour qu'il fasse sa course? Et ça a l'air très simple comme ça, et c'est effectivement un problème extrêmement compliqué, qui est l'un des problèmes, justement, qui est travaillé par l'informatique quantique. Parce que l'informatique quantique devrait permettre de résoudre ces problèmes-là. Mais le blob, lui, sans informatique quantique, y arrive. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il optimise. Il optimise. On voit effectivement qu'il y a des processus de réarrangement locaux de cette structure de ce réseau, et qu'à la fin, ça donne une structure qui semble répondre à une optimisation. Mais on ne sait pas s'il optimise, par exemple, la longueur totale des veines, ou bien s'il minimise la puissance générée pour provoquer des écoulements dans ce réseau. Voilà, où ça peut être le volume total nécessaire à relier tout ça. Donc voilà, et plein de choses différentes peuvent être optimisées qui donnent des optimisations un peu différentes à chaque fois. Donc on voit effectivement qu'en tout cas, quand il y a deux chemins qui relient deux sources de nourriture, il va garder que le plus court des deux et l'autre va disparaître. Il y a des expériences qui ont été faites effectivement avec les réseaux de transport à Tokyo, mais pas seulement. On peut trouver des vidéos où on fait les réseaux de transport aux États-Unis. Enfin bref, on demande au blob d'optimiser. Dans n'importe quel pays, ça marche bien. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a les sources de nourriture qui l'attirent. Donc dans l'équipe japonaise, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient placé des sources de nourriture. Ça représentait en fait la périphérie, la zone périphérique de Tokyo. Et puis pour reproduire la topographie du milieu aussi, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis des sources de lumière qui représentaient un peu les sommets dans les endroits. Sachant que le blob n'aime pas la lumière, donc c'est des endroits à plutôt éviter. Voilà, pour rajouter un peu de réalisme à la structure qu'ils obtenaient. Effectivement, donc ils obtiennent une structure assez similaire au réseau qui existe réellement. D'ailleurs, ils disent qu'il est même un peu plus efficace. Voilà, mais bon, évidemment, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dans la reconstruction du réseau ferré de Tokyo qu'il n'y a pas quand on construit le réseau de rien avec Fizarom. Un mot aussi, Audrey Dussutour, une particularité, c'est que Fizarom polycéphalum, donc le blob, a également une faculté de mémorisation. Alors mémorisation, pareil, là, il faut commencer à mettre, des guillemets un peu partout, mais en tout cas, il se souvient notamment des expériences désagréables. Oui, le blob peut en fait, en réalité, anticiper, c'est ce que disait Toshi, anticiper des événements, par exemple des changements de température, si on le fait de manière régulière. Toshi a observé que finalement le blob, il finissait par anticiper l'arrivée de la diminution de température. Et nous, au laboratoire, on a démontré carrément que le blob pouvait apprendre. Et alors, on est parti d'un apprentissage extrêmement simple qui s'appelle l'habituation. C'est-à-dire une diminution d'une réponse comportementale suite à la répétition d'un stimulus. Donc, par exemple, c'est l'exemple classique, vous rentrez dans une pièce, ça sent pas très bon. Au bout d'une heure, finalement, vous allez vous y habituer, même si l'odeur est toujours là, parce que vous vous y habituez. Et donc, on a démontré que le blob était tout à fait capable de s'habituer à des substances qu'il aime pas. Et là, on a l'embarras du choix parce que le blob, il y a plein de choses qu'il aime pas. Donc, on l'a fait avec la caféine, avec la quinine, qui est une substance amère. On l'a fait avec le sel. Et on a montré que le blob, non seulement était capable de s'habituer à ces substances, mais il est capable aussi de mémoriser cette habituation si on le fait entrer en dormance juste après l'entraînement. Et si on le réveille un mois, voire un an après, on va avoir cette cellule qui se rappelle de cette habituation. Et non seulement cette cellule se rappelle de cette habituation, alors est-ce qu'on peut dire rappel, ça je vous laisserai le préciser, mais par ailleurs elle est capable de transmettre de l'information quand on rajoute une autre souche, une autre source qui fait que les deux blobs vont se réunir. Tout à fait. Donc si vous prenez un blob qui a été entraîné, donc qui est habitué à une substance, et vous le faites fusionner avec un blob naïf qui n'a jamais rencontré cette substance, l'information entre les deux va passer, parce que quand vous allez les séparer, les tester individuellement, le blob qui était initialement naïf démontre finalement qu'il est habitué. Or, il n'a jamais subi l'entraînement. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a des pistes pour expliquer cette transmission d'informations ou mémorielles? Encore une fois, je ne sais pas s'il faut parler de mémoire vraiment. Oui, tout à fait. On a démontré, donc c'était en début d'année 2019, qu'elle était plus ou moins en fait une partie du support de cette mémoire. Et en réalité, c'est la substance elle-même. On s'est aperçu que les blobs, en s'habituant par exemple à une substance salée, ont retrouvé cette même substance à l'intérieur de la cellule, dans des quantités assez incroyables. Et on s'est aperçu que finalement, on n'avait pas besoin d'entraîner nos blobs aux substances, on avait juste à les injecter à l'intérieur du blob et ça marchait. Donc finalement, le blob, c'est comme quand j'explique aux enfants, pour apprendre leurs devoirs, c'est comme s'ils devaient les manger. Le blob, pour apprendre une substance, pour apprendre à l'ignorer, en fait, il l'intègre à l'intérieur de sa cellule. Voilà, ne faites évidemment pas ça chez vous si vous écoutez cette émission. Ne mangez pas votre livre de physique. Ça ne va pas marcher. Non, ça marche pas, puis vous allez passer un mauvais moment. Ce qui est intéressant aussi, Marc Durand, c'est que donc on a dit la capacité d'optimisation. Il y a une autre question qui est celle de l'autosynchronisation. Oui, tout à fait. Alors, moi, une question qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces écoulements sont générés et se synchronisent sur les grandes distances. En fait, dans l'organisme, toujours tient donc ses tailles centimétriques. Et s'il veut croître ou se déplacer, il va faire des ondes de compression, comme je vous disais, mais elles doivent être générées, ces ondes, sur l'entièreté de l'organisme. Or, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de système nerveux à cette cellule. Et donc, c'est un phénomène d'autosynchronisation qui permet à ces ondes de se synchroniser toutes seules. Parce que quand il ne grandit pas, en fait, on a dit qu'il y avait des mouvements de va-et-vient dans chaque veine, mais ces mouvements ne sont pas forcément synchronisés. Ils battent chacun leur rythme sans faire attention aux autres, en fait. Mais si on veut transporter efficacement de la matière d'un bout à l'autre de la cellule, là, il faut une synchronisation de tous ces écoulements. Voilà. Et alors, justement, cette auto-synchronisation se met en place à l'échelle d'un organisme dont on rappelle qu'il est unicellulaire, hein, donc c'est un seul organisme, et qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de moteur central pourrait être le cœur. Donc ça, c'est pas un phénomène unique à cet organisme, c'est des phénomènes de synchronisation d'oscillateurs, c'est quelque chose qui est souvent étudié par les physiciens. Donc on prend souvent les exemples des gens qui applaudissent dans une salle, qui applaudissent de manière désynchronisée au début et qui à la fin applaudissent tous en chœur de manière synchronisée. Ou alors on prend aussi généralement la hola dans les stades où une onde est générée à un moment et se propage tout autour du stade. Et voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un mécanisme qui entre des oscillateurs voisins pour une fois que l'un se lève, le suivant réagisse et se lève à son tour. Donc il y a des pistes, il y a des gens qui pensent que l'hydrodynamique, justement l'écoulement dans les veines, joue un rôle. Voilà, donc on sait que ce qui va provoquer la contraction, bon, il y a une piste quand même sérieuse, c'est la concentration en ions calcium. On sait qu'ils ont une activité sur l'activité contractile. Et donc, ce qu'on pense, c'est que lorsque ça commence, quand ça se contracte à un endroit, ça va générer un écoulement localement qui va à son tour modifier la concentration en calcium, du calcium qui peut être stocké dans des vésicules. Et de proche en proche. Voilà, et de proche en proche va permettre de se propager cette onde, en fait. Et du coup, parce que là on décrit. Alors s'il y a autre chose avant de parler à ce qu'on peut tirer de ces observations et l'observation de cet organisme, peut-être un mot, parce que vous disiez tout à l'heure, Audrey Dussutour, que les blobs ont des, alors là aussi on va mettre beaucoup de guillemets, des personnalités. Oui, on ne dit pas trop personnalité parce que c'est pas tout à fait ça. C'est de la variabilité comportementale, ce qui revient peut-être à dire la même chose. Mais pour les blobs, c'est difficile de dire personnalité sans faire de l'anthropomorphisme. En réalité, donc, on a des blobs qui viennent de pays différents, donc qui ont évolué dans des climats un petit peu différents. Et on voit qu'il y a des différences, par exemple, de vitesse. On a un blob australien qui est extrêmement lent au laboratoire, on a un blob japonais extrêmement rapide. Même la formation des réseaux est différente, leur forme quand ils explorent l'environnement, le blob américain, il est beaucoup plus digité. Et on a même des goûts alimentaires différents, ce qui est assez drôle. On a des anecdotes comme ça où, par exemple, le blob américain n'aime pas les flocons d'avoine bio. Donc ça nous avait fait drôlement rigoler au départ. Et c'est même ça qui nous a donné l'idée de regarder cette variabilité comportementale. Et aussi dans leur prise de décision. Donc on s'est aperçu que des blobs qui étaient extrêmement lents à se déplacer, comme le blob australien, prenaient de meilleures décisions parce que finalement, quand ils décident d'aller dans une direction, ils prennent une décision informée parce qu'ils ont eu le temps d'intégrer tous les stimulus de l'environnement. Alors qu'un blob japonais, c'est un peu la tête brûlée. Il a tendance à pas attendre et il fonce et souvent il se trompe. Mais là aussi, on parle de précision, mais on parle de prise de décision. Comment est-ce qu'on peut avoir ce champ lexical-là pour un organisme qui n'est pas de neurones, et comment est-ce qu'on peut appréhender, en fait, justement, cette variabilité comportementale? Alors nous, les protocoles sont assez simples. Donc les blobs, ils évoluent donc dans des environnements humides, sur des gels, dans nos expériences. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met deux sources de nourriture de qualité différente et on regarde vers laquelle le blob se dirige. Normalement, il devrait se diriger vers la source qui est la plus riche en termes de qualité. Et on va regarder en fait les scores, à quel moment il touche la source la plus riche, est-ce qu'il y va vraiment directement dessus ou est-ce qu'il y tombe dessus par hasard. Et on voit très bien que le blob, au départ, il explore un peu en émettant plein de pseudopodes et puis finalement, il concentre toute son énergie sur un pseudopode et il fonce vers la source de nourriture. Donc, on peut vraiment voir qu'il y a eu une espèce de déplacement coordonné au sein de la cellule vers cette source de nourriture. Cette variabilité comportementale, elle se retrouve évidemment entre des souches différentes des différents continents, mais on peut aussi la retrouver sur des individus d'une même espèce. Oui, alors en fait, ils sont tous de la même espèce. Oui, bien sûr. Mais dans un même clone ou dans une même souche, qu'on appelle ça. Une souche. Oui, on a une variabilité intra-souche. Ça, c'est un article qu'on a fait avec mon étudiant en thèse en 2018, où en effet, on s'aperçoit que si on coupe un plasmode en deux, ils prennent une petite forme d'individualité chacun. On va avoir des petites différences de vitesse qui vont quand même rester un petit peu. Mais une fois qu'on les refusionne, la différence disparaît. Alors justement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces études, Marc Durand, de ces études sur l'autosynchronisation, sur la vascularisation du blob? Comment est-ce que ça se traduit en recherche? Comment est-ce que ça irrigue le reste de vos travaux? Alors l'idée, c'est de voir si on peut déjà comprendre sur un organisme aussi simple comment se forme ce réseau et se réorganise. Parce que bien qu'il soit extrêmement simple par rapport au réseau vasculaire d'organismes plus évolués, on retrouve des mêmes étapes en fait dans la création du réseau. C'est-à-dire qu'au premier instant, il va créer un réseau qui est très dense, très réticulé, ce qu'on dit donc, c'est-à-dire avec énormément de boucles, énormément de chemins possibles pour aller d'un point à un autre. Donc c'est un peu comme un lit capillaire. Puis on voit que au cours du temps, certaines veines vont être renforcées, d'autres vont disparaître, et on a une hiérarchisation comme ça du réseau avec des veines plus grosses qui se recombinent en des veines de plus en plus petites. Donc voilà, donc on essaie déjà de comprendre ces mécanismes dans cet organisme-là, et en espérant que ça peut nous aider à comprendre la formation du réseau vasculaire d'organismes plus évolués ou les phénomènes de vascularisation autour de tumeurs. Oui. C'est ça, il y a une branche de cette recherche qui va vers la tumorogénèse et sur la façon dont les tumeurs réussissent à se revasculariser, à détourner la vascularisation des autres cellules pour se nourrir. Oui, tout à fait. Alors moi, j'étudie pas ça en particulier, mais oui, il y a une recherche forte là-dessus. Oui. Audrey Dussutour, là-dessus? Oui, c'est Hans-Gunther d'Oberheiner en Allemagne qui travaille là-dessus, qui est aussi un biophysicien. et qui travaille en effet sur lui la morphogenèse du réseau, c'est-à-dire qu'au tout départ, quand le plasmode est tout petit, on appelle ça un microplasmode, il fait 500 microns, moins d'un millimètre carré, et il n'a pas de veine. Et il y a un moment, il y a une transition qui se fait où on voit la première apparition de la première veine. Et souvent, c'est une forme un petit peu en Y. Et du coup, lui, il regarde comment, en fait, de ce passage à pas de veine à un réseau complexe se fait, parce que c'est comme ça que ça marcherait dans certaines tumeurs. Est-ce qu'on peut en inférer également des voies de recherche pour bien ce sur quoi vous travailliez avant aussi, Audrey Dussutour, à savoir ce qu'on appelle d'autres formes d'intelligence que l'intelligence typiquement neuronale, et notamment l'intelligence sociale, l'intelligence collective, ou quelque chose qui serait justement bien derrière ce qu'on appelle prise de décision, mais de manière un peu exagérée peut-être? Oui, tout à fait. Il y a un chercheur à Bristol, Andy Adamski, qui est spécialisé là-dedans, qui fait de la bioinformatique et qui s'inspire du blob pour résoudre des problèmes de façon distribuée. Mais le blob a aussi également des possibles applications, par exemple en médecine, puisqu'il a ses capacités de régénération, ses capacités de cicatrisation. Et il faut savoir que le blob est un prédateur donc de bactéries et de champignons. Donc il va sécréter des molécules pour digérer ces bactéries et ces champignons. Et donc il pourrait être source de nouveaux médicaments. Et ça là-dessus, il y a déjà, parce que quand on lit un peu la documentation, on voit que tout de même, malgré tout, les équipes qui travaillent sur le blob sont très peu nombreuses, et on a l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de champs à explorer, de champs à découvrir. Marc Durand. Oui, on n'est pas très nombreux. Vous avez quasiment toute la communauté française à l'antenne là. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Par exemple, je pensais éventuellement, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la morphogenèse à proprement parler, ou même peut-être sur les tout débuts du vivant, Audrey Dussutour? Oui, parce que clairement, c'est une forme de transition, donc il peut nous renseigner sur même l'évolution de la socialité, puisque c'est un organisme qui s'est communiqué entre congénères, ils savent laisser des signaux dans l'environnement, ils y réagissent, donc c'est des premières formes de socialité, donc c'est assez intéressant. Donc je pense qu'il peut nous renseigner vraiment sur des grandes transitions, donc la socialité, l'émergence de l'apprentissage, etc. Excusez-moi, pardon, je sais, vous inquiétez pas, c'est la torture pour vous et pour les auditeurs arrive à sa fin. Non, un dernier mot peut-être de conclusion, justement pour dire, justement sur le début, sur l'arbre phylogénétique, sur la transition entre organismes unicellulaires et multicellulaires, là aussi l'étude du blob peut peut-être apporter quelques éléments de réponse, Audrey Dussutour? Oui, tout à fait, parce que le blob, il partage aussi, il a un cousin dans son même règne qui est Dictyocelium discoidum, qui est l'amibe sociale. Et ils ont le même nom en anglais, slime mold, les deux. Et qui est aussi une forme d'organisme qui a le cul entre deux chaises, encore une fois, puisqu'il a une phase unicellulaire, et puis à la fin de sa vie, il s'agrège et il forme une espèce de limace multicellulaire. Et donc, c'est des organismes qui, il faut savoir, ont émergé à un moment où la multicellularité n'était pas là, mais ils s'y sont essayés un petit peu. Et on aura une émission entière à faire sur Dicti aussi, qui fait des choses absolument incroyables. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler du blob. Merci Audrey Dussutour. Je rappelle, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, c'est aux éditions Équateur. Merci Marc Durand, merci à nos camarades de France Bleu Occitanie pour le duplex à Toulouse. Et puis si vous voulez le voir les yeux dans les yeux, si je puis dire, eh bien c'est au Parc Zoologique de Paris depuis samedi où il y a un blob que vous pouvez admirer avec plein d'autres installations, des vidéos pour comprendre et approcher un peu cet organisme si singulier. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Émilie Vallard à la réalisation et Audrey Guélil à la technique. Demain, si je suis encore en vie, ce qui est vraisemblable, nous sommes remontés aujourd'hui aux sources du vivant. Demain, nous remonterons à la source de toutes choses, puisque nous interrogerons sur la nature et sur notre compréhension de l'espace-temps. Voilà, on va aussi travailler un peu des neurones demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.